French in Action, Lesson 12. Leçon 12. Rencontre. C'est le 29 mai. Quel beau jour de printemps. Il est 10h30 et Robert explore les petites rues du quartier latin. Il rencontre une vieille femme qui porte un gros sac. Elle le laisse tomber. Oh! Oh, saloperie de sac! Attendez, madame, je vais vous aider. C'est pas grave. Ah, voilà. Vous avez quel côté? Par là. Je vais vous accompagner. Merci, jeune homme. Vous êtes bien aimable. De rien, madame, je vous en prie. Au même moment, Mireille rentre chez elle. Elle trouve Marie-Laure à la maison. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? C'est pas à l'école? Non, j'ai mal à la gorge. Tiens, tu as du courrier. Une carte postale. Brighton, England, 25 mai. Ma chère Mireille, il fait un temps affreux. Il y a du brouillard tous les matins. Il pleut tous les après-midi. Même quand il ne pleut pas, le ciel est couvert. On ne peut pas jouer au tennis, mais le gazon est magnifique. Bruce aussi. Je t'embrasse, Guylaine. C'est où, Brighton? Brighton, pas Brighton. Oui, mais c'est où? En Angleterre, bien sûr. Ah, et Bruce, qu'est-ce que c'est? C'est un nom. Un nom de quoi? De garçon. De gazon? De garçon. Mais t'es sourde ou t'es bête? C'est anglais? Évidemment. Et qui c'est ce Bruce? C'est le petit ami de Guylaine. Il est anglais? Ben oui, pourquoi pas? Ben, moi, mes petits amis, ils ne sont pas anglais. Et pourquoi le gazon, il est magnifique? Parce qu'il pleut beaucoup. Il pleut tout le temps en Angleterre? Oui. Comme en Bretagne. Pauvre Guylaine. Je la prie, tiens. Allô? Allô? Guylaine, c'est toi? C'est moi, Mireille. Je viens de lire ta carte. Alors, tu n'as pas beau temps? Oh non, c'est mauvais. Ici, il fait beau. Ici, il fait un temps affreux. Ici, il fait un temps magnifique. Le ciel est gris. Le ciel est bleu. Le temps est couvert. Il n'y a pas un nuage. Il pleut. Il fait soleil. Il fait froid. Il fait chaud. J'attrape des rhumes. J'attrape des coups de soleil. Je me ruine en île solaire. À part ça, ça va? Bah oui, ça va. Toi aussi? Moi, oui. Et tu reviens quand? Le 2. Bon, à bientôt alors. Allez, bisous. Je t'embrasse. Au revoir. Tu t'en vas? Oui. Où tu vas? À la fac. Tu as des petits amis anglais à la fac? Donc, c'est toutes tes affaires. Pendant que Mireille va à la fac, Robert continue son exploration du quartier latin. Il est 10h40. Un autre jeune homme se promène et remarque une jeune fille. Tiens, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Et comment, vous ne me reconnaissez pas? Robert, lui, découvre le Panthéon. Il voit un groupe de manifestants qui viennent de la rue Soufflot, prennent le boulevard Saint-Michel et se dirigent vers la place de la Sorbonne. Ils crient des phrases incompréhensibles. Robert arrête un passant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas moi, c'est une manif? Une manifestation. Ah, dit Robert. Et il suit les manifestants. Il entre avec eux dans la cour de la Sorbonne. Pendant ce temps-là,